Mardi le 13 septembre, voici les informations à l'écoute du 89.1. D'abord, un tunnel Québec-Lévis coûterait 4 milliards de dollars. Il mesurerait près de 8 kilomètres. Ce sont les conclusions que l'on retrouve dans l'étude de faisabilité du projet de troisième lien rendu public aujourd'hui. Les partis d'opposition à l'Assemblée nationale et les maires de Québec et de Lévis réclamaient depuis des mois la publication de cette étude pour pouvoir tenir un débat de fond sur le projet de troisième lien. À Montréal, une cérémonie est en cours pour commémorer la fusillade au collège Dawson. Il y a 10 ans maintenant, un tireur pénétrait dans ce cégep faisant un mort et 16 blessés avant de lui-même s'enlever la vie. L'intervention rapide des policiers avait permis de limiter la durée de l'assaut. Partout au Québec, les établissements d'enseignement ont relevé depuis leur niveau de sécurité et de prévention. C'est ce que mentionne le directeur général du cégep de Limoilou, Louis Groux. C'est certain que ce qui est arrivé à Dawson a été, je dirais, un bouton d'alerte là, pour l'ensemble des collèges. Quand ça s'est arrivé, puis c'est bien triste ce qui est arrivé, puis on le voit là avec la commémoration des 10 ans de cette tragédie-là, le reportage, la façon dont ça s'est déroulé. Je parlais avec le directeur général justement de Dawson la semaine dernière, qui se rappelait tous les événements. Ça a été comme un petit peu là un électrochoc pour l'ensemble du réseau en disant oui, on a ce qu'il faut, mais pouvons-nous aller plus loin? Devrions-nous être encore plus actifs? Et évidemment, ça, on a parlé de tireurs actifs à ce moment-là, mais ça a débordé sur toutes les autres situations d'urgence. Et malgré la tragédie, ben, ça a fait en sorte que le réseau s'est probablement mieux outillé qu'il l'était auparavant. Chez nous, on apprend que le conducteur qui a heurté une femme devant l'hôpital du CHUL sur le boulevard Laurier n'a toujours pas été rencontré par les policiers. C'est un drame qui a secoué le Québec cet été. Et pourtant, les enquêteurs du service de police de Québec n'ont pas revu le suspect depuis ce jour fatidique du 10 août. Les policiers seraient toujours dans l'attente, en fait, de résultats concernant des tests médicaux et l'inspection du véhicule. Enfin, de nouveaux véhicules Uber ont été saisis à Québec malgré l'adoption la semaine dernière d'un projet pilote. Un délai de 20 jours est appliqué entre l'annonce d'une telle entente et son entrée en vigueur. Devant ce flou juridique, les contrôleurs routiers continuent de considérer Uber comme illégal. Ils ont procédé à 3 saisies de véhicules ces derniers jours. Les chauffeurs se sont vus remettre des constats d'infraction et une amende avec la coquette somme de 3 700 $. Voilà pour ce point sur l'actualité. De retour à Midi Jazz.